Je recrute, la Minute Pro de France Travail. Ça m'a permis de tester les candidats et de les faire monter en compétences. Dans les métiers de bouche, recruter le bon candidat est souvent compliqué. Pierre Zanui, bonjour, vous êtes gérant de la Pata Negra, des magasins de spécialités espagnoles à Argelès et Collioure. Comment votre conseiller France Travail Pro vous a aidé pour trouver le bon profil ? Les difficultés, c'était de trouver des personnes qui se sentent concernées par l'activité. Le conseiller a été très efficace dans la mise en place de différentes propositions. Ça commence par une immersion, on va dire, de quelques heures, voire quelques jours. Prendre un peu la température et du futur collaborateur, et pour le futur collaborateur de voir un peu si ça peut lui plaire, si en fait on peut bosser ensemble et tout ça quoi. Et ensuite mon conseiller France Travail Pro met en place la formation. Et quels sont les atouts de cette formation ? C'est avantageux par rapport aux aides financières qui sont mises en place, et c'est bien pour le futur collaborateur d'apprendre son nouveau métier, on va dire, sans stress et tout doucement quoi, voilà. En fait c'est donnant-donnant et c'est gagnant-gagnant surtout, hein. Et pour moi et pour le futur collaborateur. Et alors, qu'est-ce que cette formation au poste de travail vous a apporté ? Ça m'a permis de tester les candidats et de les faire monter en compétences. Certains candidats n'étaient peut-être pas faits pour ce métier-là, on s'en est rendu compte de suite. Et d'autres candidats qui n'avaient jamais touché un trancheur ou un couteau, et ni même vu un jambon ibérique, eux se sont appropriés le métier. Et aujourd'hui, presque un an après, j'en ai encore 4 en boutique qui bossent avec moi. C'est que du bonus en fait. C'est une belle formation et c'est une belle aide. Aujourd'hui, je recommanderais fortement à d'autres commerçants de faire appel à France Travail Pro justement pour mettre en place leurs équipes avant les saisons. Immersion professionnelle, recrutement par simulation, formation au poste de travail. France Travail Pro, des solutions sur mesure pour chaque recrutement. En agence, au 39 95 ou sur pro.francetravail.fr, nos conseillers sont à votre écoute et peuvent vous rappeler au moment qui vous convient.